Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui, c'est un podcast magnéto, c'est-à-dire un enregistrement de partie de jeu de rôle. Nous allons jouer à Empreinte et Orla, qui est donc un jeu dans l'univers de Milvaux, de ma conception. C'est un jeu dans l'ambiance des vieux donjons et dragons. Je dis bien dans l'ambiance, mais pas, enfin, dans l'esprit, mais pas tout à fait dans la lettre. Et c'est un podcast très particulier puisque c'est le tout premier playtest d'Empreinte et Orla. Voilà, ce crash test. Donc avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Julien et Laurie. Bonjour. Bonjour. Voilà, si vous avez envie de vous présenter, de dire quelques mots sur vous, ça peut intéresser les gens. Bah écoute, Julien, je fais aussi des podcasts sur le podcast Les Voix d'Altaride. Et puis je participe à la revue Les Chroniques d'Altaride aussi régulièrement. Voilà. Bon, bah quant à toi, Laurie, tu commences à être un taulier des podcasts outsiders. Inferenza, ça me parle pas mal quand même. Ok, donc là, on va donc faire un crash test. Hein, donc, à mon avis, tout ce qui doit foirer va foirer. Hein, il faut le savoir. Faut pas vous attendre à faire une partie satisfaisante hein, d'un point de vue ludique. Hein, mais je pense que vous y attendiez, hein, on est plutôt là, entre guillemets, pour donner de sa personne, pour essayer d'améliorer le jeu. Sachant qu'il y a une chose qui est importante, à mon avis, c'est que si vous avez, en plus, vous avez peut-être déjà lu le texte. Julien, je sais pas si tu as lu tout le texte que j'ai envoyé. J'ai parcouru rapidement tout le texte en me concentrant, comme tu l'avais demandé, sur Sur les la premières création de pages. perso. Voilà. Ouais. Et quant à toi, Laurie? Ouais, j'ai tout lu. Ah, super. J'ai pas lu la phase préparation du MJ à la fin. Ok, ça roule. Il y a de fortes chances qu'il y ait des choses dans le jeu qui vous conviennent pas ou qui vous paraît, enfin qui vous donnent du doute. Bon, en ce qui me concerne, c'est pareil. Il y a plein d'éléments du jeu. Je suis pas du tout certain que ça fonctionne en jeu. Je vous propose quand même qu'on donne. Il faut qu'on donne ses chances au jeu tel qu'il est écrit pour le moment. On va essayer, je dis bien essayer, d'éviter de dégager une mécanique en cours de jeu pour la remplacer aussitôt par une autre. Donc on essaye d'utiliser les mécaniques telles qu'elles sont écrites, voilà, jusqu'au bout. Sachant que si vous avez des critiques, et vous en aurez forcément, je vous invite à les noter et la garder pour le débriefing en fin de partie, quoi. Par contre, pendant la partie, bah, c'est open bar pour les questions, quoi. Poser tout un tas de questions. Voilà, sachant que pour les règles, alors je pensais à deux choses. Je sais plus quoi. Il y a aussi, il y a au moins, il y a deux règles quand même que je vais changer avant de démarrer parce que c'était vraiment problématique. C'est la règle du stratagème, c'est-à-dire qu'en théorie, si on invente un stratagème pour mieux affronter son adversaire, on peut avoir une relance au dé. Et puis Julien, tu m'avais fait remarquer à juste titre il y a 15 jours que ça donnait un petit côté wushu qui était pas très compatible avec l'esprit du jeu en général. Donc maintenant, en fait, il faut claquer un point de clairvoyance pour demander au MJ de donner un défaut de l'adversaire, quoi. Et donc, à partir de ce défaut de l'adversaire, si on trouve une façon de l'utiliser, c'est à ce moment-là qu'on a le droit à la relance sur les ça, la relance sur les dés. Donc voilà. Et le deuxième changement, c'est concernant les repos, parce que quand on est quand même sur un jeu survivaliste, je me rends compte qu'il n'y avait aucun repos qui impliquait de manger. Donc, si on veut gagner, en fait, si on veut utiliser un temps de repos pour gagner, pour remonter sa dex à fond, sa réserve de dextérité à fond, il faut manger. Je crois que j'avais mis qu'il fallait, je sais plus, se reposer ou faire des étirements, enfin, c'était un peu bizarre. Donc, on va remplacer ça par le fait qu'il faille manger. En plus, Julien, a priori, t'as prévu de faire un gastromancien, donc ça pourrait être intéressant justement que l'aspect nourriture soit un peu mis en avant. Et puis bon, c'est vrai que si on veut faire un jeu survivaliste et que la nourriture a aucune répercussion technique, c'est pas bien, quoi. Voilà. On va essayer de se mettre d'accord sur le temps de jeu. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est max 3 heures de jeu. Je dis bien maximum, hein, si ça se trouve, on va voir que ça va s'essouffler, puis on pourra pas jouer aussi longtemps. Et puis après, on se réserve, mon avis, on aura au moins pour une demi-heure de briefing, de débriefing. Donc ça ferait, là il est 14h, on arriverait à 17h30. Hein. 17h30, au pire 16, 18h. Est-ce que ça vous conviendrait comme ça? Parfaitement, oui. Ça roule. Ok, ben écoutez les gars, moi je vous propose de démarrer tout de suite par la création de perso. Alors j'ai aucune idée du temps que ça peut prendre. Idéalement, j'aimerais bien que ça dépasse pas une demi-heure, mais ça se trouve, c'est illusoire quoi. Alors, étant donné qu'on a déjà lu un petit peu et que nous Ouais. avons tous les deux une idée de notre perso, ça peut aller un peu plus vite. Ouais, tout à fait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va suivre les étapes du bouquin. Ça me permettra aussi de voir si si c'est bien dans le bon ordre, l'ordre le plus intuitif. Hop. Alors oui, il est possible que je fasse, je précise pour les auditeurs, il est possible qu'il y ait pas mal de choses qui sont pas bien expliquées, dans le sens où là, c'est un playtest particulier, puisque les joueurs ont lu le texte du jeu. Donc il y a des choses que je vais pas forcément expliquer tout le temps. Bon, pour des raisons surtout de gagner du temps. Donc si je sens que Julien et Laurie vous comprenez bien, je prendrai pas la peine de réexpliquer, sachant que les auditeurs peuvent me demander le terrain. Peut-être même que je le mettrai en ligne en même temps que le podcast. De toute façon, il était en lien sur Google, là. C'était en privé que tu l'avais mis. Ouais, non, c'est en privé, mais je vais D'accord. mettre en public rapidement, mais je voulais au moins tester une fois. La première étape, c'est répartir les points dans les caracs. Donc vous avez les scores 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 à répartir dans les 8 caracs. Je ne sais pas si vous vous êtes imprimé la feuille de perso ou si vous l'avez reproduite. Sur papier pour moi, mais Ouais, pas imprimé à la main. ok, ouais, très bien. Bah, Sur du coup, papier aussi. je vous laisse répartir vos points de carac, sachant que pour toi, Julien, tu avais prévu de faire un gastromancien survivaliste. Alors, j'ai regardé, la seule carac de classe en commun, c'est la constite. Oui. Je pense du coup que c'est rentable de mettre à fond en constite, quoi. C'est ce que j'avais prévu. Et c'est pareil, de toute façon, si ceux qui ont déjà une idée de leur classe, ça peut être rentable de, on va dire, les trois meilleurs caracs, de mettre les caracs de classe, quoi. Rentable ou pas, hein, parce que en fait, on peut se dire, bah, je vais booster ma carac directrice, et puis mes rituels, c'est des rituels qui vont permettre de gagner des points dans les deux autres caracs, donc on peut aussi avoir deux caracs de classe un peu faibles. Faut au moins que la carac directrice soit forte, je pense. Question à propos des caractéristiques. J'ai du mal à voir à quoi va servir dans le jeu l'emprise, l'égrégore, et la mémoire. Quel est l'intérêt de mettre des points au départ? Voilà. Alors, il y a l'emprise, c'est la comment tu maîtrises l'emprise, hein, qui est le phénomène de contamination biologique là, qui altère les êtres et les choses. Donc, qu'en fait on peut utiliser, enfin essayer, parce que c'est toujours un peu dangereux. Mais la première réponse que je vais te donner, c'est les dépenses de points. Dépenses de points, alors. Des points d'emprise. Ouais, ça permet de se cacher, ça permet d'utiliser des symbiotes hors là. Ça permet de contrôler des animaux, de fabriquer des potions de guérison, de changer les règles concernant la physique de l'univers. Ça, c'est pas inutile. Hop, tout. Les points d'Egrégor, ça sert à démasquer un figurant qui est invisible, hein. Je dis pas caché, je dis invisible. À chercher quelque chose de caché hors vue, attaquer des symbiotes hors la léger, générer un couvert qui n'a pas encore été décrit. Hein, par exemple, je me cache derrière un arbre alors que j'ai pas tellement mentionné d'arbre. C'est quoi ça? C'est quel caractère? Egrégor. D'accord. Tu peux aussi fabriquer une potion de guérison avec l'Egrégor. Et il y a plein de petits trucs qui tu peux changer demander des changements de règles concernant la dramaturgie de l'univers. Utiliser une info donnée par le MJ à un personnage hors vue, utiliser une idée donnée par un joueur et non par son personnage. Il y a pas, c'est pas mal de trucs autour des règles en fait. Communiquer avec un autre personnage sans lui parler. Se rappeler d'un souvenir qui a plus de 3 ans. Ok. D'ailleurs, je pense que ce qui peut être bourrin à ce niveau, c'est que tu peux créer en fait. En fait, les points de mémoire permettent de créer des souvenirs entre guillemets. Dire ah bah en fait cette personne-là, je la connais, c'est mon copain, tout ça. Et si tu vas créer un souvenir dont l'autre personne n'a pas connaissance, donc ça peut être intéressant. Tu voulais aussi savoir les points de mémoire? Oui, absolument. Ouais. Alors les points de mémoire, se déplacer en temps de retraite coûte des points de mémoire. Tu peux, comme je disais, générer un passif avec un figurant, te souvenir d'informations. Tu peux redemander au MJ un truc que tu n'aurais pas noté. D'Ivoire, tu nous avais expliqué telle chose, et là le MJ est obligé de te réexpliquer, quoi. Tac, tac, tac. Ok. Et rajouter des missions dans ta rangée de missions. J'avais uniquement cette application-là en tête, c'est pour ça que je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir Ouais, des points au ouais. départ. Et puis sachant que la mémoire, en fait, c'est si on veut, c'est une sorte de réservoir d'expérience, puisque pour gagner pour faire un entraînement, l'entraînement qui permet de rajouter de récupérer 6 scores de carac. Alors je vous rappelle, les scores, c'est on va dire c'est le perso en dur, quoi. Et les points, c'est les réserves, c'est les choses qui sont dépensées au fur et à mesure. Donc pour gagner des scores de carac, il faut claquer un score de mémoire. Donc on a l'intérêt d'en gagner, quoi. Sachant qu'on va gagner avec les missions, on peut gagner beaucoup de scores de mémoire, souvent beaucoup plus qu'on peut en dépenser pour faire des entraînements. Donc on aura intérêt à les convertir aussi en scores d'emprise et en scores d'égrégore, qui eux-mêmes peuvent être reconvertis en scores d'autres carac, mais souvent ça coûte des malédictions, quoi. Dans ta liste des limitations, il n'y a pas la mémoire. Y a pas de limitation en mémoire. Ouais, bah il y en aura forcément. Considère que c'est un oubli. Oui, non, mais je m'en doutais bien. Ah si, t'as juste pas mis à la ligne. Ok. Oui, alors le texte, enfin, hein, parvenir, il a été vraiment tapé rapidement. Oui, non, c'est bon, il y est, alors. Y a sans doute plein de fautes de frappe et de choses comme ça, de tabulation. Hein. C'est pas un texte au propre, quoi. Donc j'ai réparti les caracs, du coup. Ok, Laurie. Moi aussi. Donc du coup, je vais vous demander votre carac à 6, parce que forcément, je vais vous filer une limitation. C'est toi qui l'as choisi? Ouais. Mémoire. Mémoire. Alors, attends. Tu veux savoir ma classe? Ah ouais, tiens, ça peut m'être utile. Pisteur. Pisteur. Amnésique, incapable de tenir une promesse, faux souvenir, trouble l'identité, folie. Pom pom pom, qu'est-ce que je pourrais faire qui soit sympa? Écoute, tu vas être. Ta limitation, c'est que t'es amnésique, c'est-à-dire que tu te rappelles de rien avant que t'aies fait la connaissance du perso de Julien. Ça marche. Donc tu peux quand tu veux en fait si tu dépenses un point de mémoire, tu peux ignorer cette limitation. Donc à chaque fois que tu veux avoir accès à des souvenirs qui datent Ouais. d'avant cette rencontre, ça te coûtera des points, quoi. Et j'ai la dextérité. Dex. Tac tac tac. Eh ben écoute, il te manque un bras. Ok. Donc à chaque fois que tu veux faire un truc que normalement il faudrait deux bras, bah tu claireras les points de Dex. Sachant que je vais pas être chié. Enfin, t'as un bras en fait. Pour faire à manger. Oui, en fait, il te manque l'avant-bras, quoi. Il te manque pas un bras entier. Donc t'es capable de cuisiner normalement, en fait. Voilà, tu sais le faire, quoi. Tu t'es capable de cuisiner en utilisant ton. Ok, donc ensuite les réserves, les réserves, y a rien à faire en fait. Hein. Ben, si notez dans vos réserves les mêmes scores que vous avez en carac. On est full. Ok. Voilà, tout à fait. Donc, Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui voulait un familier? Alors, famille, tout ça, un familier, ça peut être un animal, ça peut être un servant, un véhicule, sachant que ça coûte cher, quoi, parce qu'il faut, ça vous coûte des points de carac. Non, je Après. sais pas. Non plus, non. J'ai hésité, mais on va déjà commencer simple. Ok, ça roule. Il y aura déjà des crashs à faire. Ouais, donc faction et religion, il faut que vous choisissiez chacun une faction et une religion. Enfin, c'est facultatif en réalité, mais bon, vu que ça rapporte des missions gratuites, ce serait dommage de se priver. Alors, l'idée que j'avais pour la faction, c'était un groupe de nomades. Après, je ne sais pas à quel point le définir. Ok, alors attends, je garde ça en tête et puis on verra. Ça me viendra peut-être plus tard. Groupe de nomades. Et ta religion? Une hérésie chrétienne, le gnosticisme. Alors. Donc, un petit point sur le gnosticisme tel qu'ils sont décrits dans Milvaux. C'est des mecs qui pensent en fait que la réalité, en l'occurrence Milvaux, est une illusion dans laquelle Dieu nous plonge. C'est une épreuve, quoi. Ok. Et les gnosticismes, ils ont tendance à être assez détachés, quoi. Du genre, bah, il te manque un bras, ouais, mais bon, c'est une illusion. En réalité, j'ai pas à m'en plaindre, quoi. Donc, parfois, ils paraissent un peu stoïques, mais en fait, ils sont tellement stoïques que ils sont pas trop appréciés des gens, en fait, les gnostiques. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on est, ou c'est ce que une mission que ces factions et religions nous ont affectées, en fait? Alors, je considère que c'est à toi de voir si t'es, si tu, tu on va dire que là, il est gnostique, ça veut dire qu'il a été baptisé par les gnostiques, il fait partie de leur chapelle et il est en relation avec eux, et ces mecs lui font suffisamment confiance pour lui confier des boulots, quoi. Ok. Mais c'est assez à Julien de voir à quel point lui, il est croyant, quoi. Ok, Il peut c'est être bon. complètement cynique et juste voilà, il y a pas mal de gens qui sont des communautés de religion juste parce que c'est une communauté en fait, tu vois, et dont la foi est tout à fait hypocrite. On peut avoir la même faction? Ça peut être sympa que vous ayez une faction en commun, ouais. Ouais, je prends un groupe de nomades aussi. Ok. Et en religion, je vais prendre druide blanc. Ok. Alors ensuite, classe de perso. Donc, Laurie, t'étais un pisteur. Oui. Et Julien, t'es toujours un gastromancien biclassé survivaliste, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Ok. Donc, Julien, ta caraquette directrice, je suppose que c'est la constite. Absolument. Quant à toi, Laurie, tu vas avoir le choix entre Dex, Clairvoyance. clairvoyance et emprise. Clairvoyance. Ok. Alors la Dex et la clairvoyance, c'est, je pense, clairement deux des stats les plus importantes du jeu, quoi. Tac, tac, tac. Et évidemment, c'est celle que j'ai mise au plus bas. Il faut tester. Je pense que la Faut mémoire est tester. aussi un très, très important. C'est pour ça que j'ai mis mon minimum dedans. C'est pour voir si c'est jouable ou pas. Ouais. Ok. De toute façon, on joue dans l'esprit OSR, c'est-à-dire qu'on démarre vraiment à bas niveau. Enfin, je dis que vous étiez des grognards, mais bon, vous Des allez grognards de normalement, niveau 1. ouais, t'es censé en chier au départ, quoi. Hein. Je sais pas quelle sera la mortalité, mais en tout cas, mortalité ou pas, vous allez en chier, quoi. Tac. Vous êtes pas Néandertal ou Korax? Non. Ok. De toute façon, c'est considéré comme une classe. Alors, les rangées, on commence par le matériel lourd. Donc, matériel lourd. Matériel, tac, tac, tac. Matériel lourd, vous avez autant de casques que de constites. Ok. On grise les autres. Ouais. Ouais, c'est bien de faire comme ça. Bosser au crayon de papier hein, autant que possible hein, parce que ça se trouve on va faire des sales ratures partout. Donc en matériel lourd, ça permet d'acheter des armes de des armes, des armes et puis bah des armures et puis tout ce qui vous pourrait vous passer par la tête qui soit un tant soit peu lourd quoi. Ok. Le mieux, c'est que vous me dites à quoi vous pensez, et puis on voit comment on traduit ça en termes de matériel, quoi. Pour moi, une hachette qui sert à couper les branches et que je peux éventuellement lancer sur quelqu'un. Ok, donc elle te coûte autant de casse que sa portée. Donc si c'est pour, juste pour se battre dans la même marelle au corps à corps, c'est une case. Sinon, il y a comment? Portée d'allonge, c'est-à-dire la même portée qu'une hallebarde, ça va être deux cases. Portée tir, c'est trois cases. Tire alors. Moi, je pensais prendre le combat à main nue. Ok, alors combat à main nue, faut que je vérifie, mais de tête, ça te coûte une case de matériel Ça doit lourd. être ça, oui. C'est ce que j'avais noté. Ouais. Et je. Alors, je pense qu'on peut considérer que tu pourrais dépenser deux cases si tu veux avoir une portée d'allonge. Mais du coup, ça voudrait dire que ton perso, il est hyper grand, quoi, ou hyper massif, ou qu'il a, je sais pas, enfin, il a une super détente, mais Ah, hyper massif, ça peut être rigolo, ça colle aussi avec une faible dex et une grosse constite. ouais. 2,20 m. Bim. Ben voilà, je refais un ogre. Est-ce que vous pensez à l'armure? Est-ce que vous voulez de Oui. l'armure? Sachant que ça coûte très cher, puisque un point pour une armure qui te rapporte un point de concite, c'est 9, ça coûte 9 cases, quoi. Et une armure qui rapporte pas un point de constite, ça sert à rien, c'est ça? Bah pff, ouais, en fait, D'accord. ouais, bah oui, exactement, ça sert à rien. Et donc, pas Alors, vous de. pouvez imaginer des matériels qui rapportent des points de carac, d'autres types de carac, mais il faut trouver une description qui va avec, quoi. Parce que l'arme, elle rapporte pas de. C'est pour avoir le droit d'attaquer, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que des cordes. Tu peux Eh considérer ben, que c'est du lourd ou corde, pas? ça va être. Alors, corde. Ouais, je pense que c'est matériel lourd si tu veux que ça puisse supporter un poids, le poids d'une personne, quoi. Ouais, voilà, les 2,20 m de Julien, par exemple. Et pareil, Ouais. tu vas claquer, en fait, ça va te coûter la portée, quoi. Ok. Ok, D'accord. une batterie de cuisine, etc. C'est-à-dire, grosse marmite. Ouais, alors, ce que je te propose, c'est que ça va te coûter que le. En fait, c'est un truc qui va booster tes rituels de gastromancie. Je t'explique. D'accord, ok. Rituel de gastromancie, on va dire que de base, en fait, si t'achètes un rituel à une case, ça cible une personne. Et en fait, ta batterie de cuisine, elle permet de booster le nombre de personnes. Par exemple, si tu as une batterie à 4 cases, tu peux faire un rituel sur 4 personnes. Tant que tu fais la tambouille dans ta batterie, quoi. Ouais. Bon, c'est empirique, hein. Je sais pas si c'est cheaté ou pas, mais. Bah écoute, on verra. Je vais prendre une batterie de 3 cases. Ok. Tout ça, c'est des choses que vous êtes capable de porter sur votre dos. De toute façon, un grognard, voilà, généralement, s'embarrasse pas trop de véhicules et compagnie parce qu'il sait qu'il finira toujours par les abandonner sur le chemin. Et il me faudrait aussi des couteaux, du coup, de cuisine, hachoirs, ce genre de choses. Alors, c'est pareil, tu vas acheter que ce qui pourrait avoir une utilité, Pourquoi je dis. au lancer, par exemple. Ouais. Donc, du coup, c'est du matériel léger, par contre. Ah, c'est du léger, d'accord, ok. Léger. Donc, pareil, tu achètes la portée. Et alors au tir, c'est 3, c'est ça que tu disais tout à l'heure? Ouais. Hop. Ah oui, autant. Alors, excusez-moi, je me rends compte qu'il y a deux portées de tir. Il y a tir court et tir long. Donc, tir long, c'est quatre cases. Et court, c'est 3 cases. Ouais, sachant que les armes de lancer légères permettent pas de tirer. Ah oui, autant pour moi, ouais. Bon, un couteau, c'est une arme légère. Ouais, remarque, à la limite, tu peux dire que c'est une arme lourde si tu te bats avec des gros couteaux, quoi. Bah, Genre feuille de moi boucher. j'imaginais bien, voilà la feuille, le gros hachoir que tu balances. Ok, donc tu peux aller jusqu'à tir long. Mais c'est quatre cases, quoi. Et c'est toujours du Je léger sais ou pas ce c'est qu'il du y a. lourd alors? Qu'est-ce que Eh ça ben. change que ce soit léger ou lourd? Ben en fait, ça change déjà que le léger, tu peux pas aller jusqu'à tir long. Et puis ça change la place que ça prend en fait. Juste un petit point qui a vraiment son importance. c'est que le fait de vous équiper, ça va déjà vous bouffer des réserves. Oui. Faut que je vois ce que ça coûte. Je sais plus si ça coûte des points de constite. Je suis pas sûr, je crois que ça coûte des autres types de points. De points. Ah voilà, on retrouve le plaisir de jeu traditionnel, le MJ qui passe son temps dans le bouquin. Hop, nostalgie. Alors, remplir une case de matériel lourd, c'est un point de dex par case. C'est cher. Hein. Ah, d'accord. Donc, du coup... Et en léger, tu l'as trouvé où, ça ? Dans dépenses de points. Remplir une case de matériel léger, je crois que c'est du CLA. Attends. Je pense que c'est du CLA hein, pour remplir le matériel léger. CLA, c'est clairvoyance. Donc on va oublier le hachoir. Je n'aurai pas assez de points de dex pour remplir de toute façon. Ah oui, mais attends, Julien. Bon, surtout que là, on est en création de... Tu descends en vue du... Comment? Tu descends... En fait, si tu sacrifies un point de... Comment? Si tu sacrifies un point de dex, tu peux remplir, quoi. Ah oui. Ah oui, exact. Donc ça me ferait descendre à 5. Pas de problème. Ok. Pas de problème, sauf que... Alors j'avais hésité à rajouter des limitations supplémentaires, mais on va pas le faire, c'est pas dans les règles. Donc t'as pas de limitation supplémentaire, du fait que tu descends à 5. Ok. Des bandages ou des trucs comme ça, tu... Bandage, bah écoute, un bandage qui rapporte plus un point de constite, ça fait une case. Et les cases. Ouais. Julien. Et les potions de soins dont tu parlais. Pareil. Ok, c'est le même. Et c'est du matériel léger, on est d'accord. Ouais. Ok. Alors, sachant que les potions de soins, elles peuvent guérir autre chose que que de la constite. Oui. Par exemple, c'est bête à dire, mais des potions de dex, ça ne serait peut-être pas inutile. Je suis d'accord. Les potions, c'est une case? Ouais. C'est du matériel léger ou lourd? Oui, c'est léger. Le bandage aussi? Ouais. Merde. Vous sentez pas obligé de tout remplir parce que vous voyez que ça coûte assez cher, donc. Oui, il faut. Et léger, c'est éclat, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Donc potion de soins. 2 dex, 4 cases. Okay. C'est potion ou ça peut avoir une autre forme que ça? Oh oui, tu peux skinner ça autrement. Hein. Je sais pas à quoi tu pensais, mais... Des herbes à fumer. Ouais, impeccable. Hein. Moi, je pensais à une bonne bouteille. Ok, impeccable, ouais. Et ça marche pour n'importe quel carac? Oui. Alors, juste un truc. Je vous rappelle que rééquiper un matériel ou boire une potion, ça coûte des points aussi. Donc vous avez tout intérêt à faire des potions, par exemple, plutôt que de faire 4 potions de plus un dex, oui, vous oui. avez tout intérêt à faire une potion plus 4 dex. Oui, mais il faut attendre qu'on soit descendu de 4 pour l'avoir. Oh, vous inquiétez pas, ça va venir vite. D'accord. Est-ce qu'il faut... Oui, on peut pas dépasser le maximum avec les potions? Ou on peut remonter au Si, score de si, Terrak? en fait, du coup, tu gagnes un score de Karak et par exemple, si t'étais à, je sais pas, en constite, t'es à 5,4. Tu bois une potion plus 5. Eh ben, tu montes à 5,5 et ensuite 6,4. D'accord. Ah, c'est un point là qu'on récupère, c'est pas... Eh oui, c'est D'accord. un point, c'est pas un score de Karak. C'est Oui, juste un donc point. celle qui te donne plus 2, tu considères qu'elle prend 2 cases. Ouais. D'accord. Donc encore une fois, moi ce que je conseille, c'est d'avoir peu de potions, mais qui permettent de gagner plusieurs points, quoi. D'accord. Train de me dire que la potion qui fait récupérer de la clairvoyance me coûte aussi cher à avoir qu'à récupérer. Ok, bah écoute, on le note, hein. C'est peut-être que les potions de clairvoyance, c'est pas intéressant à faire. Ou alors tu crées une potion qui soit du matériel lourd. Mais bon. Oui, il est dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf. Le petit matériel pour faire du feu, pour faire ce genre de choses, est-ce que... je sais pas, sac de couchage, couvert, enfin, sac de couchage, couverture miteuse, tout ça, ça coûte des points, des cases aussi, ou tout le monde a un kit Ouais, d'aventurier? je pense, allez hop, le kit, ça te coûte. Ouais, je vais pas être chiant, on va dire que c'est gratos. C'est Parce que limite. vu, vous êtes tous des forestiers, hein, c'est-à-dire qu'il y a, y a aucun d'entre vous qui s'est pas du tout se démerder en forêt, qui aurait pas ça et tout, ouais. On va dire que c'est gratos. Ok. C'est que si tu te prends un matériel un peu plus, tu vois, comme la batterie de cuisine. Qui en fait permet des trucs supplémentaires d'un simple équipement, quoi. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. C'est juste un point sur le kit de survie, tu sais comment on va faire? C'est que si tu veux utiliser à un moment une partie de ton kit de survie dans un stratagème, il faut que tu en aies déjà parlé avant. Exemple, si à un moment je te dis que tel personnage et tel monstre est vulnérable au feu, puis tu me dis ah bah pas de problème, je sors mon briquet et puis je fous le feu à une branche. Si t'as jamais parlé de ton briquet avant, eh ben c'est pas possible. Et non seulement c'est pas possible, mais du coup, du moment où tu l'as dit, on te dit, bah non, t'as pas de briquet, tu t'en as jamais parlé avant, et du coup, t'en auras plus jamais, quoi. Enfin, sauf si t'en trouves par ailleurs, quoi. Alors, une petite technique de Maelstrom. Ok. Pour utiliser du matos, ça te coûte quelque chose? Pour utiliser une arme, ça va te coûter quelque chose? Oui, tu veux utiliser une arme pour frapper, ça coûte un point de force. Mais tu l'as toujours. Ah oui, bah bien sûr, tu perds pas ton arme. Ouais, tout à fait, ouais. Et pour lancer une hache de jet? En fait, alors, ça coûte un point de force si c'est du matériel lourd. Et un point de, en fait, tout matériel lourd, ça coûte un point de force. Et tout matériel D'accord. léger, c'est un point de dex. Donc si tu veux D'accord. donner un coup d'épée, c'est un point de force, parce que c'est une épée lourde. Si tu veux donner un coup de dague et matériel léger, c'est un point de dex. La hache que je jette, la hache de jet. Eh ben elle est lourde, tout légère. Et faut que je la récupère après? Oui, c'est un point de... Comment? C'est un clat pour la récupérer. Ouais. D'accord, donc ce serait plutôt C'est pas un boomerang, alors tu reviens pas en main. Non, non, non, mais est-ce qu'il fallait que je me rééquipe et que ça me recoûte 3 points quand j'allais reprendre en fait? C'était Ah non, plus ça non, ma non. question. Ouais. Donc, ça serait plutôt des couteaux que j'aime, du coup. Ok, bon, un truc comme ça. Et puis on verra bien. Ok, vous en sortez l'un dans l'équipement? Oui. Du coup, est-ce qu'on peut passer? Remarque, ouais, Oui. donc ça, le matériel lourd, ça coûte de la force. Et le deck, c'est pour le matériel léger. Ouais. Pour remplir le matériel lourd, ça coûte de la Constite. constite. Dex, tu avais dit. Oui, Dext. Attendez, je reviens sur ce que je dis. Pour remplir une case, hein, c'est-à-dire quand tu as créé ta batterie de cuisine, par exemple. Absolument. Et Ranger. le matériel léger, c'était de la clairvoyance. Pour moi, c'était constite. Hein. Alors, Et constite, c'était le nombre de cases. nombre de cases. Alors oui, un nombre de cases. Alors attends, je retourne dans dépenses de points, du coup, je sais plus. On va faire C'est quelle du. page? C'est page 44, on va faire du old school, hein. On va citer les pages du Ouais, livre. page 44, ouais. Ouais, de toute façon, n'hésitez pas à y aller, à vous référer vous-même. Hein. C'est clairement, ça nécessite au bout d'un moment un peu de par cœur aussi de ma part, ce qui est pas encore Sur prendre un la feuille de matériel en perso, main. ça pourrait apparaître en fait. Remplir une case de matériel lourd, c'est point d'ex, ouais, effectivement, ouais. Ouais, ça fait des persos, je note. Bah, notez-le du coup sur votre feuille de perso. Remplir une case, en fait, pour looter du lourd, c'est point d'ex, et pour looter du léger, c'est point cla. Est-ce qu'on peut passer au rituel de classe? Oui. Alors, vous avez autant de cases de rituel que votre caractère directrice, sachant que toi, Julien, t'as deux classes, donc tu répartis ta caractère directrice dans deux rangées de rituels. OK. Comme je veux. Comme tu veux, ouais. D'accord. Donc, caractéristique constitution 13, ce qui fait 13 cases, et donc gastromancie 8 cases, et survivaliste 5 cases. Ok. Donc, notez à côté des rituels, notez vos trois caracs de classe, parce qu'en fait, les rituels, ils agissent sur ces caracs-là. Alors, les rituels, on va voir là-dessus. Les rituels les plus simples, c'est des rituels qui permettent de gagner des points. Par exemple, trois cases pour gagner 3 points, quoi. Sachant que si vous faites un rituel, ah oui, putain, bon, c'est là que je vois que c'est merdique d'avoir fait d'avoir fait le matériel d'abord. Alors, vous n'êtes pas obligé, juste pour info, vous n'êtes pas obligé de démarrer. Vous pouvez démarrer avec des rituels vides ou du moins pas toutes les cases remplies. Hein. Parce que remplir une case, eh ben, ça coûte des points de. Alors, ça coûte des points Du carac, de de classe. carac, de classe. Alors, je crois que c'est des. Je crois que ça coûte cher parce que c'est des points de carac directrice. Et sachant que tu utilises la carac directrice. Faut que je vérifie, mais pour moi, tu utilises la carac directrice pour remplir ta case. C'est l'inverse que tu as écrit dans le Merde, bouquin. comment j'ai D'après écrit? ce que j'ai sous les yeux, là, toujours sur la même page, en fait, ça tombe bien. Imaginez un rituel, Ouais. dépenser 0,1 carac classe Ouais, carac classe, ouais. et incanter un rituel, dépenser 0,1 carac directrice. Ah oui, ok. Ah d'accord. Oui, bah ça me paraît mieux d'ailleurs. C'est Parce que quoi les carac sinon. classe alors, carac directrice? Eh ben, carac classe, toi donc, Laurie, t'es pisteur. J'en ai trois. T'as trois Karak, c'est tes Karak de classe. Et la Karak directrice, c'est tu choisis une de ces trois Karak. Oui, c'est fait ça. Ouais, voilà. Donc quand je crée, je peux taper dans les deux qui sont Dans pas le... directrices. Tu peux taper y compris dans la directrice, parce que la Karak directrice, c'est une Karak de classe aussi, quoi. Ok. Les rituels, donc, c'est des espèces d'incantations. Oui. Donc, il y a des rituels qui permettent de gagner des points de Karak. Alors, tu peux faire Oui. gagner que des points de Karak de classe. Gagner ou soustraire, hein. En fait. Par exemple, je trouve, la constite, tu peux faire des, par exemple, tu peux faire de la bouffe qui est empoisonnée, qui fait perdre des points de constite. D'accord. Mais on peut pas faire de rituels sur les autres Karak. Par exemple, je ne peux pas faire un, je sais pas, un super bon festin qui va rendre du moral à ceux qui le mangent. Bah, tel que c'est écrit, non. D'accord. Non, par contre, tu peux. Il y a un truc qui est important. Oui. Donc, rituel possible. Bon, le truc le plus basique, c'est faire gagner des points de Karak. Tu peux faire des rituels qui font gagner des scores de Karak, mais c'est cher, quoi. Puisque c'est 9 cases. Alors, sachant qu'à partir du moment où un rituel fait plus d'une case, en fait, il faut que tu répartisses avec du mat. Il y a des composantes matérielles à consommer. Oui. Par exemple, si je veux faire un rituel à 5 cases, en fait, par exemple, je vais écrire 3 cases de rituel et 2 cases de composantes matérielles dans le matériel, quoi. D'accord, dans le matériel lourd ou léger. Ouais. Ok. Alors, je me rends compte que peut-être pour... on l'a pas écrit, mais à la rigueur, pour équilibrer, on peut considérer que tu as le droit de claquer des caracs de classe pour équiper ces composantes-là. Pour que tu sois pas uniquement obligé de claquer de la Dex et de la Cla pour remplir avec des composantes matérielles. Où tu pourrais remplir simplement ton rituel avec les compétences matérielles aussi. Mais... À faire que des composantes matérielles? Non, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais. Enfin bon, on sort du cadre du playtest là. Ouais, pour le moment on va rester comme ça. Donc mettons tu veux faire un truc qui redonne du moral. Alors bon, si tu veux faire un truc qui redonne, je sais pas, 5 points de constite, Oui? en fait tu vas faire composante matérielle, tu vas mettre 3 cases pour un sanglier, je dis n'importe quoi, hein, et puis 2 cases pour compléter, encore 2 cases de rituel pour compléter, quoi. Ok. Oui, donc sachant que ce qui est vraiment intéressant comme rituel, je suis pas certain que ce soit les rituels qui permettent de gagner des points. C'est les rituels qui visent à comment les rituels qui vont viser à faire des effets que d'habitude on atteint que en vulnérabilité. Alors je vais aller dans vulnérabilité pour trouver un exemple. Page 25. Alors normalement dans le PDF. Enfin, si c'est bien passé, vous avez un sommaire qui est interactif, hein. Quand vous cliquez sur le sommaire, vous pouvez atteindre les Ça marche. vulnérabilités. Alors, par exemple, toi avec la ghost, et là, je pense qu'on peut atteindre des vulnérabilités d'une autre carac, mais avec la permission du meujeu, quoi. Ou que ça coûte plus cher, mais ouais. Ah ouais, ou que ça... Non, Non, mais bref, excuse-moi, non, non, mais... Bon, de toute façon, c'est quand même à moitié du playstorming. Oui. Alors attends, parce que, par exemple, pour gagner du moral, toi, ça me paraît complètement... Ouais, mais en même temps, c'est pas une vulnérabilité, là. Mais non, j'évoquais le sujet parce qu'en essayant de réfléchir à des rituels gastromanciens, j'avais en tête le festin des héros, qui est un vieux sort, Ouais, tout à fait, de ouais. donjon, et voilà, ça me Ouais, carrément. interpellait. Attends, c'est quoi tes caractères de classe? C'est emprise, constite. Emprise, égrégore, Et constite. constite. Je me rends compte qu'il faudrait que j'écrive des vulnérabilités positives, un truc comme ça, qu'on pourrait atteindre. Écoute, t'embête pas, c'est validé. Donc, du coup, ça te coûte une case par nombre de personnes. Ok. Et oui, mais les faits, parce que les gens gagnent du moral, ça veut dire quoi? Ouais, enfin, du coup, c'est un effet général, hein. C'est pas, y a pas de gain de points de morale en fait, mais Ok. ça va agir sur l'attitude des personnes, quoi. Est-ce que ça peut pas permettre d'ignorer une vulnérabilité? Je sais pas. Donc tu dis, Ouais, ça gain je général. mets ça dans un coin de ma tête. Ouais. Ok. De toute façon, c'est là où on se rend compte d'un truc, c'est que on arrive très vite à une situation ruling not rules. Oui. C'est qu'il faut pas qu'on essaye de, si on essaye de prévoir tous les cas de figure en termes de règles, on n'y arrive pas. C'est effectivement, c'est à la table de se mettre d'accord le moment venu. Si on n'a pas prévu, mais tu dis bah attends, vu j'aurais fait un festin des héros, ça devrait avoir telle incidence. Tu vois, on négocie quoi. Ok. Laurie, t'as des idées de rituels de pisteur? Ouais, j'aimerais avoir un rituel pour devenir invisible, dans le sens où Ouais. Invisible, c'est une capacité qui coûte 2 cases. Attends. Non, autant pour moi, c'est 3 cases, parce qu'en fait, c'est une évolution de furtif qui est une évolution de caché. Donc ça coûte 3 cases et ça dure pendant le temps où tu l'as fait quoi. Enfin, éventuellement si tu l'as un camp en temps de préparation et puis que après bah juste après on passe en combat, ça va durer tout le temps le combat quoi. Si tu l'as un camp puis qu'en fait on joue 3 rounds de préparation, bah ça va juste durer pendant le temps de préparation. Ok. Et furtif, ça serait 2, c'est ça? Furtif, c'est 2. Parce que 2, ça veut dire qu'il me faut un. Non, c'est à partir de 3 qu'il faut des matériels, C'est à partir des de 2. composants. C'est à De partir 2. de 2 qu'il faut des composantes. Donc 2, il me faut une case rituelle et une case composante. Ouais, carrément. Et ça permet d'être furtif. Donc je vais Ouais. noter Donc ça. furtif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux te déplacer et tant que tu t'es pas démasqué en frappant un adversaire, par exemple, ou tant qu'un adversaire t'a pas démasqué, on te voit pas, quoi. Invisible, l'avantage, c'est que tu peux te démasquer et puis juste après redevenir invisible, quoi. Ouais, bon, quitte à y aller, on va y aller. Voilà. Donc c'est pareil, ça fait une case invisible et 2 cases composantes, c'est ça? Je Ouais, peux par faire exemple. deux et un. Ouais, comme tu répartis, comme tu veux. D'accord, c'est pas donc, invisible. Alors, juste pour le fun, je pense que ce que je vais dire au sujet des composantes, vous pouvez les laisser vierges, mais si au moment où vous voulez incanter votre rituel, vous n'avez encore pas donné de nom à la composante, vous pouvez pas faire le rituel. Pareil, le truc de Maelstrom, donc il y aura un moment où il faudra que vous trouviez un look à vos composantes. Si je veux, par un rituel, créer une vulnérabilité en emprise, en s'inspirant toujours d'exemples anciens, là je pense à la légende de Circé et d'Ulysse qui transforme les hommes Les gens d'Ulysse en cochons. en cochon. Voilà, si je veux faire que les gens qui mangent ma superbe daube de sanglier se mettent à se comporter comme des cochons. Eh bien, ça coûte une case par personne. D'accord. Sachant que tout ce qui vise une vulnérabilité, ça impliquera en fait de faire une attaque. D'accord, ok. Donc ça va être carte directrice qui sera ta caractéristique d'attaque. Et tu vas alors. Et du coup, on cible quoi d'ailleurs? Je Bah pense qu'il faut le noter, c'est une attaque particulière. Donc c'est faut que tu notes que c'est donc constite. Flèche, la caractéristique de défense pour ça. Bah, je pense que c'est l'emprise de Constit emprise et puis la cible, ça va être. Bah non, remarque, c'est une vulnérabilité en emprise, donc la cible, c'est forcément emprise. Donc c'est Constit. Alors qu'est-ce qui pourrait. Bah, je pense que c'est Egrégor. Constit Egrégor emprise. D'accord. En fait, Si tu veux, les rituels de vulnérabilité, c'est juste une façon d'acheter une attaque particulière que t'as pas le droit de faire normalement, quoi. D'accord, mais c'est très bien. Et du coup, est-ce que en survivaliste, alors je sais pas comment le formuler exactement, mais si je veux, pareil, créer une vulnérabilité de type immobilisation, je pensais à un truc coupe-jarret, etc. Ouais, alors là, le problème, c'est que l'immobilisation, ça va faire partie des caracs. Alors, il y a cinq attaques possibles qui sont D'accord. gratos. Alors, attends, où est-ce que faut que je les retrouve? Attaque. Attaque de base autorisée. Fortex con. Ceinturage. C'était pour immobiliser, hein, c'est ça. Hein. Oui. Donc, le ceinturage, il est gratos. D'accord. Après, ça pourrait être un rituel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que j'ai du mal à voir les rituels survivalistes, en fait. Ce que ça pourrait être. Je pense qu'on pourrait faire, là j'improvise, hein, mais des rituels qui permettent de, sur des attaques gratuites, hein, qui permettent d'atteindre la vulnérabilité du moment que tu fais perdre juste un point, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Donc du coup voilà, ça va te coûter un point pour faire en fait un ceinturage. Du moment que le mec il, non, c'est la cible c'est Dex, du moment que le mec il perd un point de Dex, il est immobilisé. Ok. Ouais, je me rends compte c'est hyper bourrin, mais bon, on va tester. On va tester. Alors, dans le même ordre d'idée, je voudrais des poisons. Donc soit tu prends des poisons qui font perdre des points de carac. Soit c'est des poisons qui te permettent une attaque particulière. Donc, de visiter des vulnérabilités un peu inédites. Soit c'est des poisons qui vont booster une attaque de base. Mais en l'occurrence, je vois pas trop. Tu pensais à quoi comme poison? Un poison qui affaiblirait dans les vulnérabilités de force et à faiblesse. Ouais, bah écoute. C'est un truc qui pourrait Un je PK, sais bah pas, du coup j'irais pas jusqu'à ça va te coûter endormir une mais... case quoi. Pareil si tu veux alors si tu veux créer un poison qui Attends, je me rends compte que le poison c'est un peu. Si tu veux créer un poison que tu sais que tu peux diluer dans genre dans une marmite, Ouais. ça va te coûter autant de cases Non, que de cibles. c'était pour mettre sur mes couteaux plutôt. Ouais, ok. Que je lancerais sur une cible Ouais, ça roule. qui serait un peu Bah trop du coup ça grosse coûte pour moi. juste une case quoi. Que ce qui fait perdre un point de carac, c'est une case par point de carac. Est-ce qu'il fait... ouais, tout à fait, ouais. Et là, les rituels, ils marchent qu'une fois, c'est ça? Ouais, il marche qu'une fois, ouais. Donc une fois que tu t'en es servi, tu l'effaces. Ouais. Et puis du coup, il faut arriver à un temps de repos pour pouvoir recréer des nouveaux rituels, quoi. Sachant qu'en plus, si t'as bouffé les composants de matériel, il faut aussi retrouver les composants de matériel. Donc, c'est pas des trucs que tu castes à tour de force, quoi. Hein. C'est clairement, c'est plutôt des trucs de dernière chance, en fait. Ouais. Bon, moi c'est bon. J'ai pas grand-chose, mais je Ok. préfère. On va voir ce que ça donne. Julien, est-ce que c'est bon? Oui, bah j'ai pris les trois choses que j'ai mentionnées pour l'instant, et puis on va voir Ok. comment ça roule. Ok. Et maintenant, dernier truc, ce sont les missions. Alors, sachant que... C'est toi l'émission. Bah, vous pouvez vous créer des missions dès le départ. Oui, mais il n'y a pas dans les crédits. Donc mission, vous avez autant de cases que de mémoire. La rangée de missions dispose de... Et donc si vous voulez vous créer des missions, typiquement c'est vraiment le personnage qui a une quête perso, quoi. Ça va vous, bah, vous pouvez remplir, commencer à remplir, quoi. où effectivement on pouvait dire ah bah attends moi je vais plutôt aller chercher de la mission gratuite que va me donner le MJ, soit par le biais de mes factions, soit parce que le MJ il a des missions qui trouve cool et qui va me donner gratos quoi. Ça c'est à vous de voir quoi. Donc de toute façon, tu nous en donnes une qui nous coûte pas de cases, c'est ça? Ou qui remplit des cases mais qui nous coûte rien? Je peux vous en donner une. Je pense que là, j'avais pas prévu d'en donner une cache. Je pensais partir un peu en roleplay, puis on va voir quelle mission vous allez avoir, quoi. Donc du coup, c'est plutôt vous en mettez à l'avance si vous voulez, quoi. Mais moi, je vais pas vous en donner d'avance. Et ça coûte des points de mémoire de d'avoir une mission au départ, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ok, moi je vais prendre une mission qui est de trouver un moyen de faire repousser le bras, probablement en trouvant soit une espèce de chair compatible que je pourrais fusionner avec moi, soit le bras d'un animal, quelque chose comme Ouais, ça, quoi. ok. Et tu mets combien? Tu la mets à combien? J'aurais dit 5 cases, comme ça un peu au pif. Ok. Je recommence ma question quand même. Ouais, je Les t'écoute. missions gratuites, que ce soit que tu donnes faction ou religion, Ouais. elles occupent des cases, Elles vont occuper des cases, bien sûr. mais nous coûtent pas de mémoire pour les remplir en fait. Non. C'est ça, mais elles prennent des cases. Ok. Parce que s'il remplit 5 cases avec sa quête perso, si toi derrière t'en donnes une de je sais pas combien de cases, si t'as pas assez. Tu peux pas la faire. Je pense que dans ces cas-là, si on pense que la mission est vraiment importante à faire, ben elle rapportera moins de cases, tout simplement, quoi. D'accord. Laurie, je t'écoute. Est-ce que t'as des missions? J'ai que dalle pour l'instant. Ah bah t'es pas obligé, hein. Tu verras selon le vent, quoi. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ok, impeccable. Bon, on a mis un gros 3 quarts d'heure, mais bon, je pense que c'était pas une surprise non plus.